Bonjour à tous et bon début de semaine sur Radioactive. C'est l'heure du mag, comme chaque jour. Un mag qui sera aujourd'hui dédié à la santé et au bien-être avec la découverte de plusieurs disciplines que vous pouvez pratiquer à Amboise pour rester en forme et favoriser votre développement personnel. On commence donc par l'association Questions d'équilibre avec Florence Astrade, praticienne en shiatsu, fascia, bioénergie et doin dans cette association. Nous l'avions rencontrée lors de la journée sport, santé, bien-être organisée par le Pays Loire-Touraine en mars dernier et elle nous expliquait comment et où se déroulent ces séances de détente et d'entretien de la santé. On l'écoute. Florence Astrade, l'association Question d'équilibre qui aujourd'hui sur cette journée sport, santé, bien-être a proposé une séance de doin. Alors qu'est-ce que l'association Question d'équilibre ? Alors c'est une association qui permet de regrouper des activités santé, que ce soit le shiatsu, que ce soit le doin. Ça permet en fait de promouvoir la santé sous différentes formes. Vous êtes basé où ? À Amboise, en dessous du Netto, au niveau de la médecine du travail. Voilà, le cabinet est là et après j'ai des activités donc de doin, soit dans la salle de l'étincelle rue du Cardinal Georges d'Amboise, ou alors avec le CCAS, ou alors avec l'association Vitamine à Villevent. Enfin non, pas à Villevent, c'est les jardins de Villevent à Nazel. D'accord, alors la séance de doin tout à l'heure, évidemment, on n'a pas pu l'enregistrer en radio, hein, c'était pas possible, mais ça consistait en quoi ? Alors en fait, c'est une séance collective où on va faire de l'automassage. On va commencer toujours par un déverrouillage articulaire sur chaque groupe d'articulation. On commence par la tête, on finit par les pieds, les chevilles, les doigts de pied inclus. Et puis ensuite, on va faire un exercice de respiration. Donc j'utilise la cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Donc là, j'avais fait que 4 minutes parce que le temps était compté. Et puis ensuite, il y a des étirements de saison. Donc là, on est en pleine montée énergétique du foie. Donc on va aller étirer le foie, la vésicule biliaire, enfin les méridiens. Et ensuite, il y a la technique donc d'automassage où on va stimuler des points d'acupuncture, donc par de l'acupression, la digipression sur l'ensemble de notre corps. Et on commence toujours et on suit le trajet de l'énergie en fait dans notre corps. On commence par la tête, on finit par les pieds. Voilà. Le doin, en fait, suivant s'il se pratique le matin, donc le doin, si je ne vous ai pas dit, c'est la voie de l'énergie aussi. Et suivant s'il se pratique le matin ou le soir, bah, il va avoir soit un effet plutôt vitalisant, soit au contraire un effet plutôt relaxant. L'idée étant d'enlever les tensions, voilà, accumulées sur la journée. Alors c'est vrai que le principe de l'automassage, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Ce n'est pas forcément quelque chose dont on entend beaucoup parler. Est-ce qu'il y a des sceptiques par rapport à ça ? En fait, ce n'est pas très nouveau, parce que c'est quand même une technique ancestrale. C'est vraiment basé sur la médecine chinoise, où on a tout ce qui est massage. Mais dans notre culture, effectivement, c'est assez nouveau. Il y a des personnes qui sont sceptiques, parce qu'ils se disent « ça casse pas trois pattes à un canard, c'est facile à mettre en œuvre ». Et pourtant, quand on essaye la séance, je leur dis toujours « ne regardez pas, venez et essayez et faites ». Et ben on voit les gens qui commencent à se mettre à bailler, commencent à se détendre. Bah oui, parce que la détente appelle le bâillement et voilà, et les tensions se défont doucement en fait. Donc je dis que voilà, les sceptiques, bah il faut qu'ils essayent parce que c'est la meilleure façon de voir en fait ce que ça nous fait dans notre corps à nous. Voilà, et en fonction de nos limites aussi physiologiques qui seront pas forcément les mêmes que celles d'une personne à côté. Voilà, de voir un peu qu'est-ce que ça nous fait dans notre corps et prendre contact aussi avec notre corps. Donc ça c'est important. Alors pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette séance d'initiation qui était proposée aujourd'hui, où est-ce qu'ils peuvent vous rencontrer ? Alors en fait, ils peuvent me contacter via les réseaux sociaux avec Question d'équilibre, ou alors ils peuvent venir le lundi à 18h à la salle de l'étincelle où j'assure un cours. Mais le plus simple, voilà, c'est d'appeler pour qu'on ait sûr de bien se caler, qu'il y ait suffisamment de place du coup pour accueillir dans de bonnes conditions. Et la séance est offerte, c'est une séance découverte. Le but, c'est vraiment de faire découvrir et, que, voilà, et qu'ils viennent et qu'ils sachent en quoi ça consiste le doin. Voilà. Très bien, et bien merci beaucoup Florence Astrade. Je rappelle que l'association s'appelle Question d'équilibre et que vous y proposez notamment aussi, on a parlé de doin, mais du shiatsu ou fascia bioénergie. Oui, de la fascia bioénergie, c'est une autre technique de soins manuels, énergétiques également. Mais voilà, le gros de l'activité, c'est shiatsu et doin. Merci beaucoup. Et bien merci à vous. Retrouvez toutes les infos sur questionsdéquilibreamboise.fr et n'hésitez plus à tenter l'aventure puisque, comme son slogan l'indique, prendre soin de son corps, c'est donner envie à son âme d'y rester. À présent, une autre discipline sportive s'inscrivant pleinement dans la thématique sport-santé, le tennis. En effet, la CA Tennis Amboise propose depuis 2 ans maintenant des séances adaptées, réservées aux personnes présentant des pathologies. Le matériel, le terrain et la pédagogie y sont donc appropriés pour notamment gérer l'effort. Christophe Piébro, enseignant professionnel et encadrant de ces séances, répondait lui aussi à nos questions à l'occasion de cette journée sport-santé-bien-être. Alors, sur cette journée sport, santé, bien-être, on a le club de tennis amboisien, la CA Tennis. Alors, moi, je suis Christophe Piébro. Je suis enseignant professionnel depuis une trentaine d'années. Et puis j'ai le plaisir depuis 2 ans d'être en charge d'accompagnement des gens dans le cadre du tennis santé au tennis club d'Amboise. Alors, qu'est-ce que vous proposez, même si ça tombe sous le sens? Alors, l'activité tennis, évidemment, mais tennis adapté, bien sûr. C'est-à-dire qu'on se sert d'une pédagogie déjà mise en place pour les enfants en bas âge, en fait, de 6, 7, 8 ans, où on a des terrains de dimension réduite avec un matériel très adapté pour des gens donc, qui ont des pathologies avérées. Donc, espace réduit, balle adaptée, raquette adaptée, et puis une pédagogie adaptée pour permettre de gérer un petit peu un effort qui est assez modéré, en fait, qu'on essaie de prolonger sur une séance d'une heure, en fait. Comment est-ce que les adhérents arrivent jusqu'à vous pour profiter de ces séances adaptées? Alors, écoutez, il y a différents chemins. Certains viennent par le biais d'une prescription médicale, le bouche à oreille, mais on n'en est qu'au début, c'est la première année où vraiment l'activité se développe. On a 2 séances en fait proposées par semaine, c'est en fin de matinée, le mardi de 11h à midi, j'espère que peut-être ça fera envie à des personnes de venir nous rencontrer, et le vendredi de 11h à midi. Et 2 séances avec des pratiques un petit peu adaptées. L'une plutôt pour des gens qui n'auraient jamais fait de tennis avec une pathologie vraiment... Alors ça peut être de l'obésité, l'hypertension, des rémissions de cancer, choses comme ça. Et le vendredi, l'activité est plutôt orientée vers des gens qui ont déjà fait du tennis, qui sont plutôt sur du santé, bien-être. Voilà, c'est un petit peu différent. Et là, cette année, on a la chance d'accueillir un groupe de 8 personnes. Donc on est assez fiers, hommes et femmes, mixtes. Et puis, les gens sont satisfaits de leur pratique. Donc moi aussi, qui ai le bonheur de les encadrer, de les accompagner. On espère que dans les années à venir, on pourra proposer d'autres créneaux, justement, pour d'autres personnes encore. Très bien. Comment on fait pour vous contacter? Alors, par le biais de notre président, je pense. Soit en venant nous rencontrer le mardi, donc, de 11h à midi, ou le vendredi, de 11h à midi. Soit par le biais de notre président, Monsieur Cadet. Alors, Monsieur François Cadet, 06 07... 72 99 97. Voilà, je crois qu'on y est. C'est ça, donc 06 07 72 99 97. Donc là, on aura le plaisir d'avoir Monsieur Cadet qui pourra renseigner les personnes sur ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Très bien, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Vous l'aurez compris, à chaque situation de santé, son activité physique adaptée. Il existe de nombreuses pratiques et autant d'associations sur le Val d'Amboise, parmi lesquelles Vitamine, la CA Gymnastique, l'Avenir Gymnastique d'Amboise, l'Aquatic Club Amboisien, mais aussi des dispositifs comme le sport sur ordonnance ou encore le parcours d'accompagnement individualisé vers la pratique sportive. Pour creuser ces questions, vous pouvez vous adresser à Aurélie Travouillon, coordinatrice santé au Pays Loire-Touraine, dont le mail est le suivant, santé@paysloiretouraine.fr. C'est la fin de ce mag, portez-vous bien et à très vite sur Radioactive.